Et on est de retour sur le direct. On nous demande est-ce qu'il reste des bières. Petite excuse. La suite. Non. Ça a coupé normalement. Oui, il y a eu une légère coupure après plus de presque 12 heures de live. On s'en excuse. Etienne Dao est apparu à un moment dans le Tech On Me. Donc peut-être que vous avez eu pas eu la toute fin du blind test, mais on peut peut-être rappeler du coup les scores. Les scores étaient 10 partout, je crois. Non, je crois pas. Je crois que c'était. Ça me semblait, pardon. 16 à 7 à 3. On a compris d'où venait le bug. Voilà. 16 à 7. Et là maintenant. On va passer Kevin, à une... Kevin, il peut être dans mon équipe. C'est tu le seul, chaud, c'est le seul que j'accepte. Si Kevin le souhaite. Okay. Mais la musique, Kevin, c'est le seul sujet qu'il ne maîtrise pas. Ou avec Fedro. Ou avec la prochaine thématique sur la musique. Ne sera non pas et des, Napoléon. Une série, mais ce sera des thématiques de dessins animés ou manga. Oh. Voilà. Alors là, est-ce que je... Là, j'abdique direct. David revient dans la course. Ah non, là je... Je peux rappeler à tout le monde. Est-ce que je peux rappeler à tout le monde de bien parler dans le micro si vous parlez, sinon c'est fort probable que personne ne vous entende. Ouais, on entend un petit brouhaha. Moi, je suis pas chaud. Ah bah, joie. Je suis pas chaud du sujet, je le dis. C'est parti pour dessin animé, que vous soyez prêt ou pas. Vous vantez pas, je suis. Ouais, oui, c'est Kyoko. Une bonne réponse, Kodioko. Ouais, c'était trop bien en plus. Ouais. On a des professionnels dans notre équipe. Et bientôt sous l'eau. Ah mais là ça va pas être là que j'ai apprécié Code Lyoko, c'est vrai. Ah mais moi je pense que vous avez une manche à zéro. Mulan. À toi de jouer. Yu-Gi-Oh. Oui, bonne réponse. Oh Yu-Gi-Oh. Incroyable, au hasard. Ça dab ici. Petit ours brun, c'est une bonne réponse, mais Pedro voit. Ah bah non. Ah là là. Ah là là, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu qu'il allait tricher. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours. Et en plus, ils le disent dans la chanson. Ça, c'est pas trop votre époque, mais si vous avez regardé tard les dessins animés, vous pouvez peut-être connaître. Pas de le dire, les animaux. C'était Alien Bazar. Mais c'est venu très tard, vous inconnu. Regardiez sûrement plus trop les dessins animés à l'heure de goûter. Tu inventes, Benny, tu inventes. Parce qu'aucun de nos auditeurs ne connaît. Hashtag BAFA. Prêt les enfants. Oui, j'ai plus de calme. J'ai pas entendu. Bob l'éponge. C'est Bob l'éponge, ça. Paix à son âme. Qui vit dans un ananas au fond de la mer. Ah ouais. Qui compte bien y faire carrière. Le bus magique. Changement d'équipe, Angèle avec nous dans le bus magique. On découvre des gens ce soir. Non, Oggy et les cafards. J'ai déjà entendu ça. Hein ? Boulet Bill. Non, c'était Cédric, pas loin de Boulet Bill. Oh, Cédric et Chang, on les salue. Oui, bonne réponse. Foot de rue. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. C'est de la merde. Il existe des foot de rue à Rouen, faites attention. Il est là pour jouer avec toi. Regarde le grandir. Franklin. Oui, bonne réponse, c'est Franklin. Donne-toi et moi. Le voici. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On n'entend plus Nico. Ah ouais, non, là. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fous. La galaxie, quoi, le foot, Lily. Galactique football. Ouais. Vas-y, mets des trucs des années 80. Un sport devenu c'est le plus de 2000 à 2015. Le Galactic Football. Ah, j'ai arrêté de regarder la télé, moi. Franchement, rien du club de Roté, je trouve ça. Ah oui, c'est dur. Un truc avec football. C'était Garfield. Ah. Inspecteur Gadget. C'est Rose. Ah ouais, n'importe quoi. On verra partout là, c'est même pas. Bah, il est 2000, ça. imaginer sur la paille. Pour nous, il se bat bien contre le mal. La peur, les ennuis, ils s'en fichent pas mal. Il sauvera la terre d'un coup de poing final. Benten. Bonne réponse. Tout simplement. C'est quoi, j'ai même pas entendu. Ça a l'air nul les dessins animés maintenant. Les audaçants aux Champs-Élysées. Il y a Bonnie et Darcy, Charles et puis Lola. Titi, tout mignon, j'en fiche. Audaçants les mignons. Audaçants les gilets jaunes. C'était les Looney Tunes. Joe et les gilets jaunes. Bah, ça a bien changé. Amtaro. Amtaro. L'enfer, le stress. Anxiogène. Si tu as des ennuis, on monte à l'assaut. C'est quoi? On entend pour pas. Mathias Hippipip. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce qu'on entend pas quand on est là? Oui, Mathias a du Pokémon sur la première note. C'est un peu le Friends du dessin animé. Gadget. Gadget. Gadget. Gadget. Nico, ton deuxième point. Nico revient. Ah, ça va. On a dit Seven à la maison. Ça, c'est la grande récré. La cour de récré. Ça s'appelle. Je sais pas, attendez, je vous dis ça dans quelques secondes. Ça s'appelle Recess en anglais, mais c'est la cour de récré. La cour de récré avec TG, Gretchen, Spinelli et tout ça. Les Razzmoquette, non, Simpson. Ah, j'ai dit les Razzmoquette, c'est le dessus. Deuxième bug. On compte pas les points, c'est Angèle contre le reste du monde. Chacun sa spécialité. C'est TG et Gourminé. Ça y est. Un jour j'avalerai ce canari, j'en serai ravi et je le dis. Tu peux toujours rêver mon petit. Quels bons amis Sylvestre et Fifi. Ouais, ça me rappelle trop des trucs, hein. Ça me l'empêche. C'est magique avec mémé. Ah, ça c'est ce qu'on a. Jumanji. C'est quoi? Salut Tobiz! Passer à un autre thématique là. 3, 2, 1! Je mets les gaz! Verra Pluton! Un gamin s'envole doué pour les inventions. Avec un esprit génial, un cher robot magistral. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait Minus et Cortex. Super stressant. Garçon, c'était Johnny Test. C'est pas Johnny Test, un peu une parodie de ça, de Jimmy Neutron, en fait, ce qui a pas très bien marché non plus. Ami pirate. Ah ouais. Bayou Balou. Balou, Bayou de la jungle. Minus et Cortex. Bayou Badou. Bayou Badou. Bayou Badou. Bayou Badou. peux bien faire une dessine. Oui, la linéa. Ok. Oh là là, première bonne réponse pour Toto. Ah, ça avait rien. Hein. Non, c'était trop bien. D'accord. Ça a pas d'humour. C'est drôle parce que ça pète. C'est trop stressant. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Voici la ligne pilotée par Pierre de Beaufix, Rufus la rondelle et saucisson dans leur taco souterrain, le sergent grosse pomme et le soldat petit pois dans leur tocard tank, l'inquiétant Al Carbone et sa bande dans leur cavaillac blindé, le célèbre inventeur le professeur Maboulette au volant de son auto-aéro-fusoplaneur, oh la ravissante Pénélope Jolicoeur qui illumine ce tournoi de sa radieuse beauté. Qui est les cafards? Non, non, c'est le truc des lapins là, non? Lapin crétin. Lapin crétin. En dedans du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. The Emperor of the Far West, when it against revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. T'entends ce rythme endiablé, ça, ça fait danser les rats, ça. C'est parti. C'était les rats, tout à fait. La moitié, je connais ce d'abord. Dans Ninja. Dans Nico. Enfin, bon Dieu, pas Nico. C'est pas très bon. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir. Vous appelez Défi Extrême Superstar. C'était pas très bon. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Et Corneille, pas si fort. Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Corneille et Bernie. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, attention, plus que 3 morceaux. Corneille et Bernie, attention. C'était les zinzins de l'espace. Imagine que nos auditeurs ont peut-être du mal à suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants. Encore deux morceaux. Rick et Morty. C'était Martin Mystère. Ah. Ça a été dit, ça a été je, dit. Je salue mon petit frère qui regardait ça quand il était petit. Odile et Cafard. Odile et Cafard, bonne réponse. Ça y est, c'est enfin tombé, on va pouvoir arrêter de donner cette réponse. Et j'arrête là-dessus, je vais mettre le morceau en entier, on va faire une petite pause. Ah mais il n'y a pas eu les Winx Club. Il n'y a pas eu de truc vraiment énorme. Il n'y a pas eu Jeanne et Serge. Normalement, c'est un peu Jeanne et Serge. Oui, il n'y a pas eu les classiques. Il n'y a pas eu les classiques. Un coup de foudre et match de volley. S'il vous plaît, coupez les micros. Non, je laisse les micros encore un petit peu. Le temps que je cherche une musique, continue à combler. Bah, notre prochain invité, il est arrivé en tout cas, je le vois là-bas au fond, il va bien nous hypnotiser. Ah, je vais mettre Denver, le dernier dinosaure. Eh ben voilà, du classique, du Batman, du Tintin. C'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Partout où nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand dino. Depuis la nuit des temps, jusque sous les projecteurs, il met dans nos plus de bonheur. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu On est de retour et on va faire la dernière partie du blind test. Et la dernière partie du blind test ne sera d'autre que sur la thématique des flims. Pour info, il y a une nouvelle alliance quand même de circonstances. Et alors, quelle est cette alliance? Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les équipes, etc., le temps que je fasse des clics sur mon ordinateur? Allez-y. Alors, première équipe, vas-y, parle de ton équipe. Nico, Pedro, Kevin. Ouais, mais Kevin, ouais, la musique, non, la musique, c'est pas grave. C'est le seul sujet que tu maîtrises pas. Ça va, il faut bien que t'aies un petit. Et le reste, se lit contre nous. C'est déjà arrivé une fois en Babi. On avait gagné. On avait gagné, c'est vrai, oui. Du coup, beware. Voilà, on sait plus. Leur fierté va encore en prendre un coup. Hein, ah, s'additionnent. Ouais, ils sont peut-être à 5 là. En tout, ouais. Ah non, alors, on prend un peu mauvaise là quand même. On prend un 0 là. Alors attention, c'est parti pour le blind test de ouais, Flim. Je lance. Je mets du son. Vous inquiétez pas, ça commence pas. C'est le 0 là. Extrait numéro 1. Superman. Une bonne réponse. Extrait numéro 2. Bienvenue sur Mauvaise Foi, quoi, hein, FM. Non. Jurassic Park. Non. Target. C'était Narnia. C'était quoi? Le monde de Narnia. Nul, tout le monde a oublié. Non. Oui, bonne réponse, Braveheart. Braveheart. 2 à 0. Le monde est vert. Extrait numéro 4, s'il vous plaît. Ça crie très fort dans mon casque. Braveheart. C'était Transformers. Pour l'instant, pas beaucoup de petits films d'auteur. Ok, 3 à 0. Ça t'arrive, mais franchement. Arrêtez de dire. Oui, retour vers le futur, bonheur. Pour l'instant, il y a quand même 10-0 pour Mathias. Calmez-vous. Est-ce que vous pouvez... Mathias, il hurle les mêmes films en boucle jusqu'à ce que ça marche. Mathias, tu sors. T'es pas invité, Mathias. T'es pas du diable au corps. Ah, la violence, je... Mais le son des samples plus forts, c'est STP. Entendu. C'est parti pour la suite. 0-0. Alors, c'est, c'était le retour à le futur. Prochain extrait, attention. Quand on entend, on participe. Inception. Bonne réponse. 5-0. Vous êtes tous ressemblés. Tout est là ce soir. J'entends bien. On n'entend rien. Mais un casque, toi. J'ai pas les autres, ils ont pris tous les casques dans ça. C'est au moins un casque à Pedro. Ah bah voilà, enfin on va gagner. Tu vas voir que ça crie beaucoup. Ça change rien, tu vois. Une fois dans l'Ouest. Quelques dollars de plus. Ça passe beaucoup, attention à la marche. C'est la bon, le bon la butte est truand, pas une feuille. Kevin me l'a dit, le bon la butte est truand, c'est bon. Et point de copie. 5-2. Ouais. C'est beaucoup plus dark. Les gars, enlevez les casques, ça a été dit. C'est Benny qui décide, c'est Benny. J'en prends un. Rocky. Oui. Oh, Rocky. Oh, Rocky 4. Un film conseillé par Babacito. Il y a un micro, il faut le dire dans le micro, ça va pas. 5 à 4, désolé. Ah, mais il faut le dire pour que ça remonte. La pression est énorme, ça commence à jouer sur la mauvaise foi, c'est que ça prend finalement. Négatif. Gladiateur. Négatif. Ah bon, j'ai raté l'avion. Négatif. Négatif. C'était Danse avec les loups. Oh, un film poignant. Danse avec les loups. Danse avec les stars. Télé. Un gros blockbuster. Quelle année ? C'était la musique d'Hunger Games. C'est nul. Pas très edgy comme référence. Hein. Je refuse ce film. The Hours. Film triste. The Hours. La liste de Schindler. Truman Show. Négatif. Négatif. C'est Philip Glass, toi. C'est Négatif. Oui. Et voilà, donc Philip Glass, ça vaut un point. Oui, c'est Philip vrai. Glass. C'est vrai. C'était intouchable. Ce rire. On a un point. Oui, un point. 5 à 5. Mais non. Mais non. Eh oh, ça suffit. Goblin. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. 5 à 7. Désolé pour les oreilles de nos auditeurs. Je demande le podcast. Attention. Prochain extrait à venir. Apocalypse Domine à l'Odyssée d'espace. Oui. Oh là, on peut pas dire. 6 à 7. Pour eux. Je peux pas laisser, c'est une playlist. Pour ou contre? Je vote non. C'est récent, t'as dit quoi? Ah, c'est NWA. Un film de super-héros. Récent. Avengers. Black Panther. Black Panther. Non. Un peu. C'était Deadpool. Hein? Ah, trop tard. Attention, extrait suivant. The Hours. Mais non, on a pas trouvé. C'est... Non. Alors, le truc sur les. Requiem for a Dream. Oui. Requiem for a Dream. Quelqu'un a rejoint la team des gros bâtards. 6. Combien? 6 à 9 pour vous. Ah oui, c'est vrai que ça craint. Fight Club. Oui. Pixies. Ah, un point de plus, hein. Where is my mind? J'ai dit Pixies. Alors tu l'as accordé pour les oreilles. Oui, mais dis avant. Ok, je donne 7, du coup 7 à 11. Non, c'était faux. Film de super-héros. Avengers. Oui, bonne réponse. Oh, je déteste ce film. 8 à 11. Mais tu aimes le détester. Non, même pas. Je me reste bien la musique. Oui, eux pour eux deux par deux, vous un par un. Plus que 3 extraits. Vous êtes 30. Un deux par deux, ça. Plus que 3 extraits. Radio, c'est énorme. Assuré là. Coup de foudre à Nottingham. Forrest Gump. Forrest Gump. Oh, oh, il a sorti de nulle part. Ah oui, c'est moi. Ah oui, merci. Ouais. Ah non, mais tu l'as regardé. Heureusement, ma mère me disait toujours. Les gestes obscènes de Pedro. Mais non, mais j'ai fait la pagaille. La pagaille, la pagaille. Il essaie de nous faire croire qu'il pagayait à une main. Au niveau de son. Ah, non. Putain, Forrest Gump, ça. Plus que 2 extraits. Arrêtez de marcher sur les câbles, SVP. Le parrain. Là c'est là-bas, c'est là-bas. Ah mais t'es malade, on l'a dit en fait. Une petite imitation s'il vous plaît. 9 à 13. La dernière. Ça on a gagné. 2 contre 50 on a gagné. Vous la laisse. Ça va être mission impossible. J'aurais une fierté, je trouve derrière. Gladiator. Non. J'ai essayé. Il n'y avait pas assez de trucs obscurs, je suis désolé mais... Moi j'ai pas vu les trucs de mais c'est le tournant. Alors là, ça a été le tournant, c'était magique ce moment là. C'était quoi la chanson? Messieurs, dames, cette session de blind test est terminée avec une merci victoire Benny. Donc 13 à 10 pour Nico et Pedro. Écrasant, on peut les victoire. Applaudir, écrasante victoire. Et Kevin qui a été très très bon. Et les deux autres manches, c'est une victoire du reste du monde. Pour le coup, écrasante également victoire. Finalement, ce qui compte, c'est que vous ayez été là avec nous. Tout simplement. Et vous pouvez vous applaudir une dernière fois, si vous voulez. Bravo. Je vais mettre une petite musique de transition, puisque je coupe les micros des gens qui sont un peu excités. Et on va enchaîner avec une ambiance un peu plus calme, puisque ça va être une ambiance... On va discuter d'hypnose et on va peut-être même avoir une petite démonstration d'hypnose. On range un peu le local, on met une musique, on se calme un peu, on prend l'air et on passe dans une nouvelle ambiance. Je mets la première musique qui passe sur mon petit ordinateur hein, et puis à tout de suite pour de nouvelles aventures. Je vais mettre All That She Wants. Yeah.